let me, I'm gonna do crazy stuff, you know me. Yeah, man, DF, yeah, you do it yourself, man, do it your way. Music is an encounter. Music is the will to be heard and the will to give space. Music is a meaning. It's a way of life. Everything was dark before sound. I'm sorry if I scared you. This wasn't my point at any bad. Sound of the grass. I forgot. self-respect. Self-respect, what a great gift. Respect your inner self, your inner God, your almighty, only you. Thank you. cray, be bad on me. Says I'm human, ride a fencer. While no one move in those days, it's quite a shame, I must say. I'm gonna knock, knock, knock, knock on every borders. On every border. Bien, c'était une trop belle manière d'amener une nouvelle tonalité, t'aurais dû rester sur la nouvelle tonalité, c'était trop bien. C'était superbe comme transition, je te le vole. que là on est d'accord, ça c'est nul. Hein. On se fait chier là, c'est nul. Là. Je sais pas si même vous êtes parti là, peut-être. C'est fou, même vous êtes parti. Ah, il est où le chat? Oui, vous êtes pas parti. Mais c'était nul, attends. Ouais, ouais, c'est bien nul. Et alors, au pif, hein, alors n'importe quoi au pif. Ah. Moi je m'amuse là, alors que tout à l'heure je m'amusais pas. Thank you. Thank you. F minor. This is a trick. This is a trick. This is a pop trick. This is a pop. This is a pop trick. This is a pop. Oh, this is. Thank you. Thank you. Oh, we are all alone, I didn't sew it. So my kind of the master here now, with you, we're sharing this. Bugs. Thank you. der Sieger, Alter. Das ist kein Thema, ne? Ich habe das jetzt viermal gesagt. Das ist kein Thema, ne, Alter. Da komm schon jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Der Sieger, Alter. Ja, sicher, Alter. Ja, sicher, Alter. Das ist kein Thema. Ja, sicher, Alter. Mein Thema. Guck mal. Der sicher, Alter. Der sicher, Alter. Der sicher, Alter. Oh, Scheiße. Das ist Scheiße. Der sicher, Alter.